proches. J'tourne pas le dos à mes amis. Et quand j'avais rien dans les poches, j'voulais rouler en Ferrari. Que je mets les pas souriant. Ça va pas en ce moment. Alors devant le mic, tu bouillant. Pas de canoncier. Ma tête elle est grillée. Et arrête de me filmer. J'suis pas là pour briller. Je monte pas ma vie. J'suis bloqué, comprends qu'il me faut ma vue. Arrête tes manières, tu fais le show pour ti ti ti ti ti ti. À qui tu lèves la voix, tu m'as pris pour un petit ti ti ti ti ti. J'te parle plus cette fois, j't'avais averti ti ti ti ti ti. T'es mauvais avec les gens, j'te l'avais pourtant ti ti ti ti ti ti. J'suis dans l'audi noir, on est samedi soir. On me raconte des histoires, j'ai du mal à y croire. J'suis dans l'audi noir. On est samedi soir. On me raconte des histoires. J'ai du mal à y croire. Franchement c'était le top. J'ai plus tout le week-end. J'fais rien comme les autres. J'suis gentil en avoir le cœur qui saigne. Et les fils de ça existe. Un jour ou l'autre ils verront. Et nique les opportunistes. Un jour ou l'autre ils verront. Arrête tes manières. Tu fais le show pour ti ti ti ti ti ti. À qui tu l'aimes. Pour un petit ti ti ti ti ti. J'te parle plus cette fois, j't'avais averti ti ti ti ti ti. T'es mauvais avec les gens, j'te l'avais pourtant ti ti ti ti ti ti. J'ai pris du recul, quand t'es trop gentil, il t'encule. Tu veux rentrer dans ma tête, circule. Y'a personne qui me manipule. Plus d'amitié quand y'a les affaires. Quand y'a les problèmes, c'est chacun sa mère. C'est pas comme ça, des trucs à pas faire. Et si on te pose des questions, sois pas bavard. Les hypocrites, les jaloux. T'inquiète pas, je connais. Les bandeurs d'hommes, c'est pas nous. Y'a que des affolés. Y'a que des affolés. Elle t'a mis la laisse. Maintenant, elle veut que tu la laisses. Elle veut plus de toi. Tu vois pas, elle te fait plus de caresses. Plus de 10 ans que tu es là dans le game, moi je suis toujours à l'aise. On te fait danser Zumba, café, on demande ta sauce au manès. Arrête tes manières, tu fais le show pour ti ti ti ti ti ti. À qui tu lèves la voix, tu m'as pris pour un ti ti ti ti ti ti. J'te parle plus cette fois, j't'avais averti ti ti ti ti ti. T'es mauvais avec les gens, j'te l'avais pourtant ti ti ti ti ti ti. Arrête tes manières, tu fais le show pour ti ti ti ti ti ti. À qui tu lèves la voix, tu m'as pris pour un ti ti ti ti ti ti. J'te parle plus cette fois, j't'avais averti ti ti ti ti ti. T'es mauvais avec les gens, j'te l'avais pourtant ti ti ti ti ti ti. Ils sont mauvais avec les gens, mauvais. Tout sur le cœur, l'inverse ça dure qu'un temps.